C'est Rémi. Vécu de poissard, soleil sur l'allée, choqué sur le pare-choc des baqueux. Tu rêves déserte les terrains de jeu, ils préfèrent les terrains de bœufs. On a commencé, banc bas des balles, grave à l'ancienne comme Cléopâtre. Petit délit, menotté au poste. Depuis tu manges les pâtes, t'as déjà quelques bras quoi en poche. Brava dur comme la roche, depuis que tu casses la barre sous le porche. Ça fait chelou, je vois les grands vieillir, les petits grandir. Je viens vraiment de la rue, j'ai pas besoin de te dire, chez moi ça tire. Eh, parlons peu mais bien, tu m'as bien aimé, espèce de folle. Tu sais pas que j'ai pas un rond et je viens d'Aubervilliers. Grosse paire de requins pour saigner le pavé, là c'est dans les mains, j'avais oublié, tu sors de GAV. Couché de soleil sur la tête, pas sur la péninsule. Petit à petit, je me rends compte que plus je prends du recul et moins je recule. Ouais, et moi je suis dans la rue comme un 6 et s'il y a plus de couteau, coupe la quête à la main ou prends un ciseau. On veut prendre un aller simple pour Pattaya. T'as pétard au gros, si t'as pas brassé, tu peux pas tailler. Et les anciens parlent de tout au bar tabac. À côté du coiffeur de la tête, toujours très bien rasé, taillé. Eh, on veut des thunes, ma gueule. C'est pour mes frères au star qui veulent s'en sortir comme Michael. Qu'on les mains dans la merde, mains écorchées suite aux arrachés. T'es hôtel, tu tiens pas ton sac, de petits vont prendre leurs billets. Partout on s'est pavané en Twingo ou Ghost Location. Je représente toutes les cités de France un peu comme Demolition. Eh, à 2-3 sur un scout, à 3-4 sur un terre. Dans nos quartiers, les opposés s'attirent et laissent du sang par terre. Moi j'ai fait pleurer ma mère et je suis même devenu mon pire ennemi. Je suis fier, je perdrai pas mes couilles dans ta tête, pourtant je m'appelle Rémi. Trop de fierté dans nos rues, pas vraiment de place pour les sourires. Tu t'enfermes dans ta zig, t'allumes ton linge et tu repenses aux souvenirs. Je montre rien comme Yagami, sentiment enterré. Comme ton axe crash sur le Schmitt, s'il veut te frapper, me noter. La rue nous a pas fait de cadeau, poto, on a tout vu et à tout va. C'est là que tu vois que le diable se cache dans un bocal vu. Je retournerai pas ma veste, j'ai déjà du mal à la fermer. Mais bon, c'est qu'à pire, c'est pour tous mes soldats enfermés. Mélancolique dans mes sons, pourtant souriant en vrai. Me prends pas pour une resta, fais que du rap, mon refrain. La vie est courte, faut aller vite, lève ton grand frère qui dort. Qu'il rejoigne le bord, sort de la merde, la mif passe les rapports. Peu de frères en costard, cravate, on a galéré dans le bad. Comme tous les petits d'Aubert, Rémi, écoutez Socrate. Vêtu de noir sur la moto, trop tard pour dire au revoir mon poteau. Tu vas nous manquer, grâce à Dieu je suis dans les braquages vocaux. Sinon je t'avance la gueule trop, tu payes pas, je deviens loco. Tu me néco, je suis niqué comme Nico. Ah amigo, maman va pleurer, tout le quartier va pleurer. Mais la vie continue comme ces fleuves qui se jettent à la mer. Je me rappelle qu'on traînait, qu'on filochait les plats avant. Qu'on se réveillait très tôt le matin pour mettre tout le monde à plat ventre. Toute ma vie dans la street, regarde comment je vends ma peu ça. En 95, Saïd m'a avancé ma première save. Y'a que les vrais qui savent et qui s'en sortent. Les faibles qui s'en portent, les pochetons qui s'emballent. Mes souvenirs qui sont morts. Fuck les porcs, la BST, on les baise. Ils te roulent coups dans le camion et te jettent devant Docteur Pierre. Cœur de pierre pour pas que les drames nous terrassent. Ton rap est tout pérave, j'ai envie de choses qu'elle a crié. On va faire crier la ferraille, ouais. Je ferai pas deux fois la même erreur. Miroir, miroir, qui est le négro le plus déter. Je m'isole, deviens zinzin sans fumer. Je regrette l'époque où j'étais nia comme le premier baiser. Maîtresse me disait, taisez-vous, taisez-vous. Aujourd'hui j'envoie du sale pour que nos gosses soient aisés. Le code pénal c'est le god, la juge est-elle fétichiste. Elle a violé mon adolescence comme une pédophile fichée. Fuck. Fais gaffe aux interpelles. Igo, les keufs arrivent comme l'hiver à Winterfell. Les folles qui t'harcèlent au fond ne veulent pas de ton bonheur. Tu l'as giflé parce que jour-là t'étais de mauvaise humeur. Mamie de Colombe est morte d'une tumeur. Je pense à elle, je pleure. Je pense à lui, je pleure. Tristesse au fond de mon cœur, wesh. C'est vrai que la vérité blesse. La cala fait des trous dans le corps, le poster des trous dans la caisse. Tellement péché dans le passé, ça me tuerait de faire demi-tour. On dirait que ma chance est dans la cave en train de se faire des tours. Que je tue des tournes, tu ne tues des coffres pour acheter la poudre. Et nique ces débiles qui veulent en découdre. On les a mêlés, judiciaires démêlés. J'suis ni gauche ni droite comme les jambes de Dembélé. T'as les yeux verts comme l'ex de Makelele. Y'a de la frappe dans le bendo, tout le monde a la queue le. Nique les brouilleurs de piste qui profitent d'une embrouille pour t'abattre. Comme tous les petits d'Aubert, Rémi écoutait Socrate. Faudrait que j'apprenne une sourate. Qu'enfin mon âme se soulage. On les a mêlés, judiciaires démêlés. J'suis ni gauche ni droite comme les jambes de Dembélé. T'as les yeux verts comme l'ex de Makelele. Y'a de la frappe dans le bendo, tout le monde a la queue le. On les a mêlés, judiciaires démêlés. J'suis ni gauche ni droite comme les jambes de Dembélé. T'as les yeux verts comme l'ex de Makelele. Y'a de la frappe dans le bendo, tout le monde a la queue le. Tout le monde a la queue le. A la queue le. Y'a de la frappe dans le bendo, tout le monde a la queue le. A la queue le. A la queue le le. Y'a de la frappe dans le bendo, tout le monde a la queue le le. Bah ouais, c'est Rémi. Krat, saut. So.